la part quand je suis ma grande loupe. Moi j'ai jamais retourné ma veste, mais quand les morts j'en prends une autre. Si t'es une merde, tu dégages. L'erreur ça se bécache. Je t'envoie une frappe d'enculée, ballon va transpercer des cages. Reviens faire le tour de ma table. Tu verras que des têtes cramées, ça bicrave, ça vole, ça mitraille. Dans la mémoire des greffes, on est gravé, gravé, crassé. Le rap français comme un Yabusta, je suis insuivable. Je me balade dans le rap, je suis la bête noire comme Thiago Silva. Qui va le faire? Au pire, je t'envoie une femme. Parle pas trop mal de moi, tu pourrais te faire buter par une fan. Si tu restes discrète, tu seras ma photo. Pitié, quelqu'un fait sur ma photo. Si me suivi, t'éclate tellement je baisse. Toute la semaine, j'en ai mal au dos. Je n'ai pas l'occasion d'avoir la chance. Y'a pas de femme, alors on veut de l'argent. Et puis t'es le plus grand des cas. Si tu crois que j'ai tout plaqué dans ma chambre. Ok, je suis toujours le même dès le réveil. Je veux du babache. Je veux du nouveau ghetto. You, tu veux nous souviens qu'on t'attache. C'est la criminalité, frère, double portail. On arrive en limousine, immortal, histoire de portable. Allez, cache ta jalousie, mets-nous ta plus belle dame. Fais place aux insupportables et ramène ta plus belle dame. C'est la criminalité, frère, double portail. On arrive en limousine, immortal, histoire de portable. Allez, cache ta jalousie, mets-nous ta plus belle dame. Fais place aux insupportables et ramène ta plus belle dame. Ici cousin Yuzi, je vais te mettre en death, good morning. Je lui baisse le compte sa cousine, pour au grand death, good morning. Ouais tu peux dire tu sais niette, je sais en faire donc je sais l'être. Je viens arroser le cœur en miettes, sors le mat nom ton me select. Maître de cérémonie, je n'ai rien de all eyes on me. Moi je suis le gardien de mon frère, mais je peux être Nino Gemoni. Je vais te faire parler aux oiseaux, prends ton tapis Pacino. Je suis dans la peau de Nicky Santoro, le game est mon casino. Ouais tant demain je m'en vais, pourquoi le morve m'en veut? À quoi bon trembler devant eux? H nous mais que devant Dieu. Ok tiens ta putain de pouf, pas besoin de ta putain de poudre. Mieux vivre un jour comme un coq que mille comme une putain de poule. Parti de rien, rien à perdre. Les miens me rappellent d'où je viens. Plus je fais, plus je vis, plus je deviens. Plus je reviens quand elle bouge bien. Qu'ils parlent de moi au pluriel. Qu'ils disent ils n'ont rien à dire. Mon amour ne me fait plus rien depuis que j'ai perdu d'agir. C'est la criminalité, frère, ouvre le portail. On arrive en limousine, immortal, il sort le portable. Allez cache ta jalousie,